Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission sur Isanganiro. Le président de la République se lamente de la gestion des entreprises publiques par des hommes et femmes en qui le gouvernement a pourtant placé confiance pour travailler dans l'intérêt de toute la nation et des citoyens. Évariste Ndayishimiye estime cependant que si ces entreprises étaient données en privé à ces mêmes gestionnaires, et ne pourraient pas travailler perdant, comme cela s'observe pour certaines d'entre elles. Il l'a dit le 22 janvier 2022 à Gitega, la capitale politique, au terme d'une croisade organisée par le parti CNDD-FDD au pouvoir. Le débat mosaïque va porter aujourd'hui sur comment gérer les entreprises publiques dans l'intérêt général de la nation et des citoyens. Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Professeur Siméon Balumwete, enseignant d'université, politologue. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et merci de votre invitation. Francis Lohero, économiste de formation, un des anciens candidats indépendants à la présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue, monsieur Francis. Bonjour à vous. Et puis nous sommes avec vous, Faustin Ndikoumana, économiste de formation également, directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Bonjour et bienvenue, Faustin. Merci de nous avoir invités. La mise en onde est assurée par le trio Eric Ouimana, Fulgence Irakoze et Berthier Mugiraneza, réalisation d'Alain Désiré Boukeyeneza. À la présentation, vous retrouvez Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Isanganiro. Nous ouvrons le débat mosaïque par cet extrait du président de la République, le général-major Évariste Ndayishimiye, qui s'insurge contre la mauvaise gestion de certaines entreprises de l'État par des gens qui, selon lui, feraient mieux, en tout cas, si ces entreprises étaient les leurs. Il est traduit en français par Arthur Kavaouchi. Pourquoi les responsables sont corrompus alors qu'ils sont payés? Il te dit qu'il ne te rendra aucun service sans pot de vin alors qu'il s'était engagé à te servir. Celui qui est corrompu est un être insatisfait vu que les Burundais avaient placé confiance en toi en te nommant responsable mais que tu préfères voler. Un jour, j'ai posé cette question. Et si on prenait le directeur général de l'Otraco et qu'on lui fait cadeau de cette entreprise, est-ce qu'elle retomberait en faillite? Comment se sent le directeur général de l'Otraco après avoir entendu cela? Est-ce que si on faisait don de l'ONATEL au directeur général, est-ce que cette entreprise retomberait en faillite? Mais comme les Burundais t'ont honoré de diriger cette entreprise, tu l'as fait tomber en faillite, mais si c'était la tienne, cela ne se produirait pas. Aujourd'hui, sachez que tu dois diriger cette entreprise comme si c'était la tienne. La semaine passée, j'ai visité le parc de la Ruvubu et j'ai demandé au responsable si ce parc était le tien, tomberait-il en faillite? Il a répondu que non, c'est Satan qui nous a emportés. Si vous voulez que Dieu bénisse le Burundi, chaque responsable doit travailler comme s'il travaille pour lui. Et malheur à celui qui va perdre. À la fin de l'année, nous voulons un bilan. Il y a un moment, j'apprenais tout avec l'aide de Dieu. Tu entends celui de Sosumo dire, nous avons payé les taxes et impôts. Est-ce que c'est ce qu'on t'a envoyé faire ou on t'a donné un capital pour le fructifier afin de pouvoir construire les routes, les hôpitaux et les écoles? Je veux chasser tous les mauvais pasteurs et chercher des bergers qui engraissent mes prédits. D'abord, la première question à vous, Faustin Ndikoumana, président de l'organisation PARSEM. Dès lamentation du président de la République par rapport à la gestion des entreprises publiques, Otraco, Onatel, Sosumo, ce ne sont peut-être que des exemples parmi plusieurs. Ça vous fait quelle impression? L'impression que ça me fait est d'abord une entreprise publique, elle appartient à qui? À l'État. L'entreprise publique, si on analyse la structure de sa direction, du leadership, et au plus haut sommet, on trouve quoi? Et il y a la direction générale, appuyée par les directions techniques, commerciales, financières et autres. Et au-dessus de cette direction, il y a un conseil d'administration qui doit aider dans le survey, qui doit aider dans la prise des décisions. Le bon fonctionnement de l'entreprise. Le bon fonctionnement de l'entreprise. Mmh. Au-dessus de la conseil d'administration, il y a le ministre de tutelle. Des fois, vous entendez un ministre de tutelle est en train d'intervenir dans les actions d'une entreprise, de son ressort. Mais aussi, je dois dire, une entreprise publique, il n'a pas d'assemblée générale. Il n'y a pas d'assemblée générale. C'est finalement le gouvernement en entièreté, le président de la République, qui constitue, en fait, l'assemblée générale de l'entreprise publique. Parce que vous ne pouvez jamais entendre l'assemblée générale de telle entreprise. L'État, quand c'est une entreprise publique, ça veut dire que l'État, donc, moi, en avoir, c'est lui, c'est l'État qui gère l'entreprise publique. Donc, au plus haut sommet, qui nomme les conseils d'administration de ces entreprises? Il y a la direction. Ils sont nommés par décret européen qui nomme les directeurs, les directeurs généraux des entreprises, le conseil d'administration. Faire partie du conseil d'administration d'une entreprise publique, c'est le pouvoir public, c'est le président de la République qui a nommé. Le ministre de tutelle, il est nommé par le président de la République. Donc c'est un système. Au cas de jamais, mais le parti politique peut aussi être concerné. Le parti politique. Parce que le parti politique qui pouvoir les cadres à être nommé dans l'administration, on le sait. Donc c'est un système finalement qui entoure la gestion. Là, vous voulez dire le parti politique, le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, le gouvernement. Donc c'est un système qui, je dirais, qui phagocyte même la gestion quotidienne de l'entreprise publique. Quitte à ce que dans ce système, dans cette chaîne, la direction générale peut être un petit maillon. Et dans cette chaîne, ça veut dire que et si on veut identifier les causes profondes de mauvaise gestion. Et le système n'est pas là pour phagocyter, monsieur Faustin. Je dis que ça phagocyte parce que toutes ces nominations, comment c'est organisé? Ça veut dire que quand vous êtes nommé, vous êtes redevable vis-à-vis de celui qui vous a nommé. Donc vous pouvez avoir des exigences. C'est-à-dire que si une entreprise publique est mal gérée, je dois dire que la responsabilité ne peut pas être imputée à la seule direction générale. Pourquoi, selon vous, ces entreprises travaillent perdant? Les facteurs sont nombreux. Ce qui est à l'origine de ces lamentations du président de la République. Au niveau des compétences. Hein? Est-ce qu'on cherche réellement les gens compétents qui doivent diriger ces entreprises? Comment est-ce que le processus de nomination est organisé? On voit ici et là des entreprises qui sont devenues des lieux où il faut caser certains cadres de l'État politique à la fin de leur mandat ici et là. Donc au niveau du parti politique, on sait que à la victoire de tel autre parti politique, il faut caser les militants quelque part. Donc ce facteur devient facteur dominant au niveau de la nomination. Outre cette nomination, le recrutement. Est-ce que le recrutement se fait avec évaluation des besoins réels de l'entreprise? Des fois, on trouve en pléthore le marché public. De ces entreprises, et c'est catastrophique. La surfacturation, les stocks qui ne sont pas et donc nécessaires. Donc, un certain nombre de tricheries s'organisent à travers les marchés publics. Il y a aussi la vision du gouvernement de l'orientation générale de la politique par rapport à l'entreprise publique. On conçoit mal comment, par exemple, une entreprise comme Onatel. Par exemple, on peut avoir son chiffre d'affaires chuté et en même temps, une entreprise étrangère vient sur place, mais paradoxalement, on constate que plusieurs cadres de l'État constituent une clientèle. Donc, vous allez parler de mauvaise vision. Oui, oui. Donc, vous avez votre entreprise qui a une téléphonie mobile, par exemple, à l'Onatel. Mais on a eu un engouement beaucoup plus affiché de la part des cadres de l'État à vouloir constituer une clientèle de. Par exemple, de limiter. Il y a une sorte de contradiction au niveau et de l'orientation, de la vision, des objectifs, même au niveau macro-politique, au niveau global. Dernier élément que je dois mentionner, c'est l'inspection. Toutes ces entreprises, il existe des entités d'inspection qui font des rapports annuellement pour montrer la mauvaise gestion, la bonne gestion, les torts qui ont été au niveau de la gestion de ces entreprises. Ces rapports, quand ils sont émis, ils sont adressés aux plus hautes autorités. Mais jamais on ne voit pas des réactions. Donc vous allez dire qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Les recommandations sont là. Ce sont des recommandations techniques même pour sauver ces entreprises. Mais maintes fois, ces recommandations restent lettres mortes. Ils sont mis dans cette histoire. Ça veut dire que si on analyse l'ensemble, le fonctionnement, on voit que le contexte actuel ne permet pas à ce qu'une entreprise publique soit mieux gérée, même si la volonté d'un directeur général serait avérée de pouvoir la renflouer. Je vais retourner vers vous plus tard et je permettez que j'adresse la même question, les mêmes questions à Francis Rohero, ancien candidat indépendant à la présidentielle de 2020, économiste aussi. Ça vous fait quelle impression, ces lamentations du président de la République par rapport à la gestion de ces entreprises de l'État? D'abord, je dirais que j'ai toujours été ému par le fait que notre président actuel ose, si j'utilise vraiment le mot, il ose critiquer son propre gouvernement, ses propres personnes à qui il a donné des responsabilités, ce qui n'était pas le cas il y a des années où ils disent que tout va bien. Il condamne même celui qui, à un moment donné, il fait un regard critique. Donc, à ce niveau, je peux lui dire félicitations. C'est une bonne chose que le président lui-même accepte de nous fournir ce genre de débat parce qu'on parle, parce qu'il nous donne la permission de le dire. Outre cieux, on ne serait pas ici. Sinon, par rapport à ce qu'il dit, ma conviction, elle est tout à fait autre. Je ne conçois pas en aucune façon qu'un président de la République vient nous dire qu'il se lamente par rapport à des gens sur qui il a une très grande responsabilité. On ne devrait pas être là de discuter s'il va démettre des personnes demain ou après-demain. Parce que s'il a vraiment envie de le faire, il le ferait immédiatement et il nous donnerait un rapport assez simple. Il se lamente, mais aussi il met en garde ces personnes, ces, entre guillemets, mauvais gestionnaires. Il les met en garde que c'est d'autant mieux, c'est d'autant mieux par rapport à ça parce qu'il a un temps compté. On sait qu'il a eu un mandat de 7 ans. Chaque jour qui passe, c'est son temps qui se dégraine. Et j'aurais envie qu'il fasse quelque chose avant que ce temps ne se termine. Donc c'est pour dire, je suis des fois un peu surpris qu'il vienne nous dire ce qui ne va pas, au lieu de nous dire ce qu'il a prévu pour que les choses changent. Ainsi, par rapport à ça, je m'attendrai toujours à ce qu'il nous fasse son plan de relance économique, parce que quand il s'est fait élire il y a 2 ans, il nous disait que tout va aller bien, que l'économie va se porter mieux. Je ne croyais pas que 2 ans après, on viendrait nous lamenter, dire que ça ne va pas, et qu'il nous amène dans presque ce que je dirais, comme vous venez de le dire, des mises en garde contre des personnes. Donc, par rapport à ça, je m'attendais d'abord à ce qu'ils nous disent clairement, ils donnent une orientation politique, ils nous disent économiquement, je veux ceci et je l'attends dans un délai que voici, et qu'ils cherchent, à côté d'une bonne politique économique, d'une relance, il faut qu'ils cherchent des individus capables de l'aider à arriver à ses objectifs. C'est ça que j'attends en principe. Est-ce que vous estimez que ces gens dont il parle, ces gestionnaires dont il parle, est-ce que vous estimez qu'ils n'ont pas de compétences? Pas du tout. Ils ont des compétences. Mm-hmm. Et je reviendrai sur ce que M. Faustin a dit. Mm-hmm. Il y a un mécanisme, il y a un système qui est là. Parce qu'on le sait, ces individus, ces Burundais, s'ils se retrouvent dans d'autres organisations, ils font du bon travail. On voit des Burundais qui vont dans des systèmes des Nations Unies, on les voit aller à l'étranger qui travaillent bien, à qui vraiment on fait des éloges. Mais pourquoi ils ne réussissent pas quand ils sont dans nos gouvernements? C'est des choses qui viennent de faire beaucoup d'années. Paradoxal. On remarque que les Burundais, quand ils sont au gouvernement, tout va mal. Mais quand ils vont ailleurs, tout va bien. Je reviendrai aussi sur une chose. Ces entreprises qu'il est en train de mettre entre parenthèses, qui ne produisent pas, c'est des entreprises qui ont été créées par des politiques d'État. Ce n'est pas des champignons qui ont poussé du jour au lendemain sur le territoire. C'est des entreprises au niveau historique qui ont été créées à des années différentes depuis notre indépendance. Ces entreprises avaient des missions spécifiques pour donner à ce pays une certaine aisance économique, un respect populaire et international. Et on le sait, il y a des années, ces entreprises ont fait vraiment la joie du peuple burundais. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? C'est parce qu'à un moment donné, vous venez de me demander de pourquoi donner les raisons. Pourquoi ça ne marche pas, oui, justement, pourquoi des ces entreprises raisons, c'est-à-dire, travaillent perdant. Il y a une politisation à outrance, franchement, de la vie économique de ce pays. Je le disais quand on était dans la campagne présidentielle, au moment des élections, je disais aux gens, essayons de donner nos programmes. On disait que ce n'était pas nécessaire. Qu'on est là pour pour s'affronter et que le meilleur gagne. Le meilleur, c'est-à-dire que celui qui a beaucoup de personnes, pas que celui qui a les meilleures politisation idées. Politisation de la vie économique. Exactement. Vous pouvez expliciter un peu. Oui, oui, justement. Parce que les personnes qu'on amène pour travailler dans le gouvernement, on leur dit de travailler pour un parti. Ils dépensent tellement d'énergie pour soutenir un parti. Ils utilisent même les biens et les moyens des entreprises qu'ils dirigent. Il est placé quelque part dans une entreprise de l'État et il travaille pour le parti qui... Tout à fait naturellement. J'étais dans les élections, j'ai vu des voitures de l'État, des voitures des sociétés publiques qui étaient dans des campagnes avec des drapeaux du parti. Ces personnes-là, comment voulez-vous leur dire aujourd'hui, du jour au lendemain, qu'ils ne travaillent pas pour le parti et qu'ils doivent donner de bons résultats dans l'entreprise? Ce n'est pas pour ça qu'il a été là. Il sait qu'il a dépensé toute son énergie pour être là, parce qu'il a travaillé pour le parti. Pour lui, la direction d'une entreprise, c'est comme un remerciement qu'il a fait tout pour le parti. Ce n'est pas qu'on l'a amené là-bas pour qu'il nous prouve sa compétence. Voilà pourquoi, à un moment donné, s'il est au gouvernement, s'il est dans une société publique, il n'est pas obligé d'amener un résultat. À un moment donné, il se dit, je suis venu là parce que j'ai travaillé comme ça. Contrairement, quand il est dans le privé, il sait qu'il n'a pas milité, il est été amené juste pour produire un résultat. Et s'il ne le produit pas, on va le mettre dehors. Permettez que je me rende chez professeur Siméon Warungete. Professeur, votre analyse, votre impression, c'est laquelle par rapport à ces lamentations du chef de l'État qui se lamente et par rapport à cette gestion, mauvaise gestion des entreprises publiques, alors que les entreprises privées, elles se développent? Merci de la question. Moi, je pense que quand le président essaie de dénoncer cette mauvaise performance des entreprises publiques, il est dans son rôle. Et je constate que c'est un discours politique. Depuis l'indépendance, tous les chefs d'État se sont alignés dans ce discours de lutter contre la corruption, de dénoncer les mauvaises performances. Donc il est vraiment dans la tradition des discours du chef de l'État. Feu président Nkurunziza avait aussi parlé à un certain moment de la tolérance zéro contre la corruption. Mais n'empêche que malgré tous ces discours, tous ces bons discours, on voit que la corruption est toujours là. Et le Burundi enregistre vraiment de faibles performances. Je viens de voir tout à l'heure que, d'après le rapport, je ne sais pas, de Transparency International de 2021, je vois que le Burundi est dans les 6 pays les plus corrompus au monde. Je sais aussi qu'on va dire que ce n'est pas un bon rapport, etc., qu'on va critiquer, que ce n'est pas correct, mais les résultats sont là, les statistiques sont là, le classement est là. Donc ce qui fait que, oui, il y a un discours, mais entre-temps, la réalité est scellée là. Et donc, je pense qu'il faut s'attaquer, comme on vient de le dire, aux causes profondes. Effectivement, pourquoi est-ce que les entreprises publiques enregistre de mauvaises performances, alors que les entreprises privées excellent dans de bons résultats. Moi, je pense que c'est vraiment une culture administrative qui est caractéristique des fonctions publiques ou des fonctions publiques africaines qui est toujours là, ou parfois qui est guidée par ce qu'on vient de dire de la politisation. Pourquoi est-ce que les gens s'engagent dans un parti politique? Ils ont des attentes, ils s'investissent, et quand il y a des élections, quand il y a la victoire d'un parti, il faut qu'il y ait des gratifications. Ils ont des attentes, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à des postes. Ils s'attendent à des postes et les postes sont limités, les places sont limitées. S'il y a un président de la République, ses conseillers, les sénateurs, les députés, où est-ce qu'il faut placer d'autres? Il faut aller chercher ce qu'on appelle des postes éjutés. Et parmi ces postes éjutés, c'est effectivement dans les entreprises publiques ou dans les ambassades. Il y a donc ceux qui vont dans les entreprises publiques. Et c'est une façon de gratification, de dire oui, vous avez bien travaillé pour la campagne, etc. Maintenant, il y a cette gratification, on vous donne ce poste-là. Et remarquez que les entreprises publiques ne sont pas rentables de la même manière ou ne sont pas vues symboliquement, ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qu'on nomme dans des entreprises publiques et tout le monde voit peut-être qu'il n'y a rien, hein, parce qu'on dit, on vous a mis dans une entreprise où il n'y a rien et tout le monde va se moquer de toi. Alors que quand on vous donne une autre entreprise, tout le monde va dire, ah, il a été bien placé, il a bien travaillé. C'est milité. Il y a de quoi manger parce qu'il a... Donc, ce qui fait que cette culture-là, on entend que le président veut changer cette culture qui caractérise nos administrations, Mais entre-temps, est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il est prêt à changer cette culture, à changer cette vision qu'on a de la politique? C'est vraiment toute une réforme et toute une révolution à mener. Et on semble que peut-être les forces ne sont pas suffisantes parce qu'il peut peut-être crier, c'est comme, je ne sais pas, on a dit de Jean-Baptiste, peut-être qu'il est en train de crier dans le désert et que les autres ne sont pas en train d'entendre ce qu'il est en train de dire. C'est subordonné, vous dites? Parce qu'il vient de le dire depuis une année qu'il s'engage de lutter contre la corruption, mais on voit une année après, une année, six mois après, nous sommes au niveau du même discours. Est-ce que les gens à qui il s'adresse comprennent le message? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, on voit peut-être qu'il faut passer peut-être à vitesse supérieure, mais sinon, on voit que déjà le système est comme ça et que peut-être il n'y a pas assez de force pour le transformer. C'est ce qu'on comprend. Et c'est dans la tradition, on voit que depuis l'indépendance, nous chantons la même chanson et nous restons coincés. Mais ce sont des discours qui devraient avoir des répercussions. Des répercussions. Pour un bon fonctionnement de ces entreprises de l'État. C'est pourquoi, quand on est un chef de l'État, on vient de le dire, peut-être qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure, oui. Et peut-être commencer à agir, peut-être dans le respect de la discipline, même à sanctionner, et à le faire peut-être de manière discrétionnaire, parce qu'il a les rapports. Il a les rapports, et quelqu'un qui n'est pas là pour appliquer sa vision, pour appliquer sa politique, pour écouter ses conseils, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut sanctionner. Et peut-être avec l'exemple des gens qui sont sanctionnés, peut-être que les gens vont changer de comportement et d'attitude. Sanctionner, c'est donc chasser. Peut-être, je ne sais pas si c'est chassé. Je ne sais pas si c'est chassé, mais au moins, il faut agir. Et d'une manière générale, alors, vous avez parlé des causes profondes. Les causes profondes, ce sont lesquelles? Moi, pour les entreprises publiques africaines, depuis l'indépendance, je pense que M. Faustin l'a dit, à la veille ou au lendemain des élections, il y a toujours des recrutements massifs dans les entreprises publiques. Et on se rend compte que le personnel est très pléthorique. Et si c'est pléthorique, c'est aussi budgétivore. Vous allez voir que peut-être 90% du budget des entreprises est dans les salaires. Investissement, vous allez voir que c'est pas vraiment un grand pourcentage, etc. Donc, ce qui fait que... Et puis, il y a des malversations qui s'opèrent avec cette culture-là administrative, peut-être de corruption, etc. On voit qu'il y a des malversations au sein des entreprises. Les gens, ici, quand on parle de malversations, on a parlé des marchés publics, avec des commissions, tout ça, etc. Mais aussi, à part les malversations, vous allez voir, par exemple, tout ce qui est entretien des véhicules, etc. Vous allez voir que c'est énorme, etc. Vous allez voir que les directeurs généraux, les directeurs se déplacent dans des véhicules, je ne sais pas, très protocolaires, qui coûtent très cher. Et tout ça, c'est au niveau des charges. Donc, vous allez voir qu'au niveau des charges, l'entreprise enregistre beaucoup de charges et peut-être dégage peu de profits. Normalement, on s'attendait à ce que l'entreprise dégage, je ne sais pas, de profits, mais les charges sont nombreuses, sont énormes, parce que tout simplement, il y a des malversations. Il y a peut-être de mauvais investissements qui sont opérés, qui ne sont pas rentables, etc. Beaucoup de charges, beaucoup de mauvais... Des malversations, mais aussi du personnel. Investissements. Des dépenses somptuaires, des missions, parfois des DG qui sont toujours dans des missions à l'étranger, peut-être sans contrepartie, peut-être au niveau de la... Donc, ce qui fait qu'on voit que l'accent est mis sur des postes, sur des rubriques, qui peuvent rapporter quelque chose aux dirigeants. Mais aussi, il y a aussi une culture qui peut, même quand on parle de malversation, ce n'est pas uniquement les dirigeants des entreprises. Il y a aussi chaque agent dans tous les échelons, peut-être avec cette culture, cherche à gagner quelque chose. Le chauffeur va chercher à gagner quelque chose sur le carburant, sur les pièces, etc. Donc, chacun à son niveau. Quand on dit la chèvre broute là où elle est attachée, ça caractérise beaucoup plus les administrations africaines. Donc chacun va essayer de profiter de son poste, quel que soit le poste qu'il occupe. Et une fois qu'on agrège tout ça, vous allez voir que finalement l'entreprise perd au lieu peut-être. On va finalement parler de défis de manière générale. Monsieur Faustin Dikoumana, président de Parsem, directeur national de Parsem, les défis d'une manière générale, ce sont lesquels selon vous? D'abord, c'est, je veux dire, les défis, il y a un grand défi donc au niveau de la capacité, hein, de la culture politique au plus haut sommet, de la capacité justement de transcender, de mettre en application cette vision qu'on veut salvatrice par rapport à la gestion de ces entreprises. Je dois dire, il y a par exemple trois actions qui ont été prévues et pour prouver qu'au niveau macro-politique, il y a une volonté de bouger les lignes, d'avancer vers des réformes nécessaires. Il y a par exemple une loi qui sépare les postes politiques des postes techniques. Et quand cette loi a été votée, c'était pour quoi? C'était pour assainir le système de nomination des cadres dans les entreprises, dans l'administration publique. Vraiment, essayons de séparer les postes politiques pour lesquels, justement, il faut remercier, mais des postes techniques dont les compétences, l'exemple des compétences est établi. Est-ce que les postes politiques, ce sont des postes pour remercier donc, les uns les sont des postes qu'on disait, on le sait, parce que l'homme politique est l'homme politique, ils se connaissent, ils se disaient. Alors, nous savons que quand même, si je dois nommer ministre, mon directeur de cabinet à la présidence, je ne prendrai pas n'importe qui. Ils le savent là, on peut à la moindre accepter. Et les postes techniques. Mais les postes techniques, on disait, il y a des postes techniques qui transcendent même la continuité de l'administration, les entreprises publiques où l'exigence des compétences est avérée, il faut les séparer et nommer des gens compétents. Au moins pour l'intérêt supérieur de la nation. Il ne faut pas parachuter quelqu'un, il n'a pas de CV, il ne fait pas. Dans des postes techniques, ça devient. Hein, quand, par exemple, on nomme quelqu'un, on l'envoie à mission, il ne peut même pas produire un rapport. Vous bombardez comme ça. Nous avons vu des cas même dans des réunions officielles, dans les cas de lutte contre la pauvreté, où certains éléments, où les retards, ça nous répugnait à l'époque. Donc je dois dire que si le président, par exemple, veut changer, il faut réfléchir d'abord sur l'application de cette loi, sans faire violence au niveau macro-politique, au niveau des oreilles, des partis politiques, voir comment s'affranchir de cette immixtion permanente des partis politiques dans la gestion des affaires publiques. Deux, on a prévu la déclaration des biens. Pourquoi on prévoit la déclaration des biens? C'est au cadre de l'État. C'est pour leur dire. Donc avant d'entrer en fonction. En fonction, vous avez votre richesse personnelle. Mais vous ne pouvez pas en aucune façon, vous ne pouvez en aucune façon vous enrichir davantage à partir du patrimoine de l'entreprise. Donc c'est un message déjà. Quand on vous dit, vous allez être directeur général de l'ONATER, mais déclarez vos biens, c'est un message. Hein? Mais quand cette déclaration n'est pas respectée, même au plus haut sommet, on comprend que la culture n'est pas là. Est-ce que ces déclarations ne sont donc pas faites? C'est ce que vous dites. Mais on l'avait promis, on l'avait promis. Il y a le président de la République qui lui-même, avant d'entrer en fonction, il a appelé toutes ses subordonnées, ses subordonnées à déclarer leurs biens et patrimoines devant la Cour suprême. Vous savez qu'à la preuve, après, dans une émission publique, il a dit que il a dit ce soir à la mise en application de cette mesure. Il faut le dire dans les propres mots. Il avait dit que certains ont tellement de biens qu'ils ne peuvent pas avoir le temps de le déclarer. La liste serait très longue, difficile à élaborer. Mais c'est toujours confidentiel, cette déclaration. Non, c'est public. C'était passé sur les ondes. Et trois, c'est avoir prévu les inspections techniques de ces entreprises. Parce que même si vous êtes président de la République, je comprends que votre mission de tous les jours, ce n'est pas de dire comment est-ce que la nature a été gérée, comment est-ce que ça a été géré au jour le jour. Mais annuellement, il y a des organes qui produisent des rapports pour vous montrer dans vos entreprises publiques. Mais Excellence, Monsieur le Président, les choses ne marchent pas. Et ces entreprises, ces organes de techniques d'inspection, ils ont des cadres compétents pour le faire. Et malheureusement, les recommandations, les rapports de ces entités, c'est comme la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État, sont mis au tiroir, restent lettres mortes. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les institutions pour renforcer cette inspection? Ça montre, ça prouve qu'une fois le rapport produit, on va voir les gens qui sont impliqués ici, là, ça, ils constatent que ça va faire tâche d'huile. Que ça c'est une bombe qui va exploser. Et on dit, alors, Donc il faut garder secret ces rapports. Mais ces entreprises, ces organes, des fois, on ne leur donne pas des moyens suffisants pour s'acquitter de cette tâche noble. Il y a même ailleurs, il y a les auditeurs du gouvernement, il y a les inspecteurs. Quand ils produisent des rapports dans plusieurs pays, les têtes tombent le lendemain. Les têtes doivent absolument tomber. Et c'est ce à quoi vous vous attendez? Mais ici, après une certaine période, combien de cas de l'État ont été déjà inquiétés, démis, traduits devant la justice parce que cette entreprise. Et je vous montre l'exemple. L'ONATER, depuis, par exemple, 2012, une entreprise a un bénéfice de 835 millions. En 2013, perte d'un milliard. En 2014, perte d'environ un milliard. En 2015, perte de 3 milliards, oui. En 2016, perte de 5 milliards. Mais on n'ose pas prendre les mesures à temps. On n'ose pas donc corriger, rectifier le tir. Donc les pertes mais après, s'accumulent. Oui, s'accumulent, mais en 2016, en 2020, justement, l'ONATER, c'est gravissime. Non, on sait qu'auparavant, il y avait des recommandations. Ce sont des choses que nous suivons régulièrement à notre, au sein de notre organisation. Espérons que l'on va rectifier. On sait que des recommandations étaient toujours Hero. Là, ici et là, mais nous n'étions pas suivis des faits. Est-ce que vous pouvez vous résumer pour que je passe la parole aussi à oui, Francis je disais, quand je parlais de la vision des entreprises publiques par rapport à la politique générale. Quand j'aurais dit que, par exemple, une entreprise étranger vient, au lieu de continuer à soutenir votre propre entreprise publique, on considère qu'il y a terre pour la nouvelle. Donc on se dit, est-ce qu'on veut sauver l'Onatel ou bien on veut l'enfoncer? Francis Loyero, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces défis? Oui, il a parlé bien des défis et suffisamment techniques, mais je veux juste prendre l'autre volet des défis, ce que je pourrais dire des défis publics ou philosophiques. Je crois que dans notre pays, on croit plus à la politique qu'à l'économie. Ça se montre véritablement dans ce qu'on fait parce qu'en réalité, ces individus, toutes ces compétences, je ne crois pas que ces compétences sont absentes par rapport aux partis au pouvoir ou par rapport aux individus. Ils ont ces compétences, mais plutôt, ils croient plus en la politique. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré. Donc la politique, le domaine politique domine juste la logique du parti, la logique du pouvoir, avoir le pouvoir sur le pays, avoir la possibilité de tout gérer, de tout avoir, d'avoir toutes les responsabilités par rapport aux autres, de se donner toute la suprématie par rapport à toute la population, sans nécessairement s'imaginer est-ce qu'on va satisfaire ces individus. Parce qu'il faudrait que le moment venu, notre pays se pose des questions. Je parle de l'autorité suprême, je parle de son gouvernement et de ceux qui créent des politiques. Est-ce qu'on sait que sans une bonne économie, nous partons à notre perte? C'est-à-dire que si les gens croient un parti, si les gens croient uniquement au fait qu'ils ont été nommés et ne croient pas à ce qu'ils peuvent faire comme solution économiquement, notre pays rentre toujours dans sa pauvreté. Et c'est justement ce qu'on remarque dans la plupart des analyses qu'on fait. Il y a quelques années, le Burundi ne connaissait pas, par exemple, des sociétés privées. Tout était presque étatique. Et ce qu'on faisait dans l'État, il y a nos parents qui nous disent « Le Burundi était celui d'hier, le Burundi Bwarugakera ». Ils nous montrent très bien qu'ils allaient à l'école avec plus de facilité. Et les entreprises publiques, tout le monde travaille dans le public, avec des entreprises publiques. Tout était presque bien, mais pourquoi ces choses ont été dévalorisées du jour au lendemain? C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont fait une course pour le pouvoir et non pas une course pour rentabiliser notre économie. Et malheureusement, on s'y retrouve. C'est-à-dire que la force du pouvoir aujourd'hui est venue anéantir la capacité du système politique à rassurer les individus que l'économie est possible. Je me rappelle bien que pendant les élections, les journalistes, ils ont demandé à ce qu'il y ait des face-à-face entre les candidats. Certains disaient que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas choisir nécessairement celui qui va amener des solutions économiques. Mais plutôt, il fallait choisir celui qu'on aime ou celui qui appartient à notre groupe ou d'une certaine manière celui qui peut nous donner ce qu'on veut. Disons que ce n'est pas le moment pour accuser. Non, je n'accuse pas. C'est une analyse que je fais. Je montre que c'est un défi important parce que même aujourd'hui, les gens, peut-être ils s'en foutent de ce que nous sommes en train de dire parce que c'est économiquement parlant très fort. Ils vont nous dire, parlez, vous allez parler, après le débat, vous allez rentrer. Mais en réalité, il faut que, si nous voulons que le président demain ne se lamente plus dans ces mêmes conditions, il faut qu'on aille, qu'on arrive à donner à son peuple une autre vision économique des choses, que les gens se posent des questions. Moi, je suis contributeur au niveau national. Nous tous, nous contribuons pour que ce pays aille mieux, nous donnons des impôts. Mais pourquoi l'ONATEL ne marche pas? Pourquoi aujourd'hui c'est le président qui le dit et nous sommes presque dans la peur qu'il va démettre des gens? On devrait le trouver tout à fait normal. Il ne devrait même pas nous le dire. D'une certaine façon, directement, il devait agir et mettre d'autres personnes. Vous avez utilisé le mot chasser. En principe, quand le président change des personnes, il ne les chasse pas. À la limite, ceux qui n'ont pas fait du mal, ils sont toujours éligibles à travailler, à faire autre chose. Mais ceux qui ont fait du mal, ils doivent se retrouver naturellement à remettre. Ils peuvent être démis ici pour être nommés ailleurs. Non, c'est selon sa politique. Mais en réalité, si vous avez été démis parce que vous avez mal géré, pourquoi vous devez être nommé ailleurs? Non. Isanganiro. C'est un grand défi parce que la plupart des personnes qu'on voit, ils sont mieux quand ils sont dans le privé, ils sont mieux partout où ils sont, ils font du bon travail, mais quand ils vont dans l'État, ils se disent « j'ai reçu ce que je voulais » et c'est ce que moi je peux dire, c'est la vie facile. C'est-à-dire que dans une entreprise privée, on vous demande des résultats. Vous êtes là, vous êtes un DG, vous êtes un directeur administratif ou financier, vous êtes un fonctionnaire ordinaire dans une entreprise privée, on vous demande des résultats. Mais c'est comme si au niveau public, on ne vous demande pas de résultats. C'est après peut-être des années que le président va venir se lamenter, mais alors qu'on n'est pas obligé de faire des rapports. Et je pourrais rectifier ce que M. Faustin a dit. Ce n'est pas que les gens du public ne savent pas faire des rapports, mais c'est parce que ce n'est pas exigé. Ce n'est pas exigé. Pourquoi? Personne ne vous chassera parce que vous n'avez pas fait de rapport. Pourquoi? Parce que cette culture, les rapports ne doivent pas obligatoirement... Parce que ce défi, il est important d'appartenir au parti au pouvoir que d'avoir un bon résultat dans votre entreprise. Si vous cotisez dans votre parti, si vous êtes à jour avec des cotisations, avec des réunions du parti, on vous donne de la bonne note, même si dans l'entreprise, tout va mal. C'est-à-dire que l'important, c'est de réussir cette participation politique, ce que je pourrais dire, une politique militantiste, être présent, ne jamais rater aucune parade culturelle du parti, être là quand vous voit que vous êtes là, mais par contre, avoir des résultats économiques, ce n'est pas important. Nous parlons de cette gestion des entreprises. C'est ça que je te dis, c'est ça le défi. Si l'entreprise coule, mais que vous êtes à jour dans les cotisations au niveau du parti, on ne vous fait rien. Il n'y a pas de problème. On ne vous fait rien. Par contre, si l'entreprise va bien et que vous ne bénissez pas le parti, alors là, vous êtes à démettre. Je tiens à rappeler, pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, que le débat mosaïque porte aujourd'hui sur comment gérer les entreprises publiques dans l'intérêt général de la nation et des citoyens. Nous sommes avec nous trois invités sur le plateau, à savoir Faustin Dikoumana, économiste, directeur national de l'ONG PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, Francis Lohiro, économiste également, un des anciens candidats indépendants à la présidentielle de 2020, ainsi que professeur Siméon Barmouette, enseignant d'université et politologue. Je reviens vers vous. Justement, professeur Siméon Barumete, placer des hommes qu'il faut, dans des places qu'il faut, qu'est-ce qui devrait caractériser les gestionnaires de ces entreprises de l'État? En d'autres mots, ces postes seraient-ils politiques ou techniques ou les deux? Il y a Faustin Dikoumana qui a parlé tout à l'heure de postes politiques et de postes techniques qu'il faut différencier. Normalement, les postes politiques sont les postes auxquels on atteint quand c'est par le biais des élections. Par exemple, dans des institutions politiques, c'est comme l'Assemblée nationale, c'est comme le Sénat, c'est comme la présidence. Mais dans des postes où on vous met, par exemple, on vous nomme comme directeur général pour vraiment gérer, manager une entreprise, c'est beaucoup plus technique parce qu'on veut un résultat à la fin. C'est vraiment une gestion efficace pour que l'entreprise puisse atteindre un résultat positif, etc., et gagner, etc. Maintenant, après les élections, nous avons dit on doit gratifier, on doit remercier des gens qui ont travaillé pour qui ont arrivé, qui ont fait parvenir le parti au pouvoir, à la victoire. Donc, ce qui fait que c'est cette philosophie qu'il faudrait changer. Donc, placer des hommes qu'il faut dans des postes qu'il faut, ça veut dire tout simplement qu'il faudrait peut-être passer par d'autres voies de recrutement, et peut-être passer par le concours, pour voir si parmi les concurrents qui présentent le meilleur profil, qui a une bonne expérience professionnelle. Or, je ne pense pas qu'on ne passe pas par ces voies-là. C'est parfois le parachutage. Quelqu'un qui n'a pas évolué, par exemple, vous allez voir que les gens vont être parachutés à la tête des entreprises sans qu'ils connaissent même l'entreprise auquel ils vont gouverner. Je viens de l'université, on va par exemple me nommer, je ne sais pas, directeur général de l'ONATEL, sans que je sache vraiment... Sans expérience. Sans expérience, même de la maison, même de la maison, donc de l'ONATEL, parce que l'ONATEL a une histoire. L'ONATEL a une histoire, il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'ONATEL depuis des années, qui ont cet amour de l'entreprise. Et vous voyez quelqu'un qui est parachuté, qui est presque un mercenaire. Quelqu'un qui vient et qui n'a aucun intérêt, parce qu'on sait que quand il va quitter, s'il n'est plus DG, il va retourner peut-être dans là où il était, etc. Donc, alors que normalement, c'était peut-être l'occasion de remercier les promotions internes, les gens qui ont grandi dans cette entreprise, qui veulent que finalement cette entreprise gagne et en profite, parce qu'ils ont intérêt à rester là-bas, à faire une carrière, etc. Et on va parachuter des gens, etc., qui n'ont aucune expérience dans l'entreprise. Donc, ce qui fait que, parce que tout simplement, vous les remerciez parce qu'ils ont servi, ils ont fait campagne, le parti a gagné, et il faut caser des gens. Alors qu'il y a des gens qui sont déjà là et qui vraiment veulent aller de l'avant. Donc, caser des gens donc, à des ça, comptes, c'est, donc, techniques. C'est une culture vraiment à changer. Et si nous voulons avoir des gens qu'il faut dans des places qu'il faut... C'est toute une philosophie vraiment à changer. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la vision effectivement qu'on a de l'économie, qu'on a de nos entreprises publiques? Si ce sont des entreprises publiques effectivement qui vont, je ne sais pas, payer des impôts pour que les caisses de l'État puissent s'enflouer, etc., gagner beaucoup. Mais peut-être on leur donne d'autres missions. Donc ce qui fait que l'objectif, ce n'est pas vraiment là. Parfois on demande une chose et son contraire. On veut que les entreprises... soit prospère, soit comment dire, performante. C'est l'idéal. Mais le système qu'on met en place ne le permet pas. Donc, ce qui fait que nous avons parlé de culture, nous avons parlé du personnel pléthorique. Est-ce que le privé se permettrait, par exemple, vous allez voir sur un poste, par exemple, comptable, caissier, vous allez voir sur un poste, il y aura peut-être dans les entreprises publiques ou dans les administrations publiques, il y aura peut-être 4 ou 5 caissiers, comptables. Alors, on se dit, mais. Est-ce qu'au niveau de la rationalisation, par exemple, avoir 5 comptables, 5 caissiers sur un même poste, au niveau de la rationalisation, par exemple, des postes, vous allez voir que vous allez payer peut-être des gens qui ne sont pas en train de contribuer dans la performance de l'entreprise. Et c'est là où peut-être les salaires, les charges vont augmenter parce que vous dépensez beaucoup, mais il n'y a pas de contrepartie au niveau de la production. Parce qu'il y a trop d'agents, alors que peut-être le travail qu'on demande pouvait être fait au lieu de 400 personnes, pouvait être fait par exemple par 80 ou par 100. Mais où est-ce qu'il faut mettre des gens, tous les gens qui ont travaillé pour le parti depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? On va les caser dans ces entreprises-là publiques parce que l'objectif, ce n'est pas les gains, ce n'est pas la performance, c'est de caser des gens. C'est ça la politisation. Quelque chose à ajouter, M. Faustin Ndikoumana, sur cette façon de placer des hommes à des... dans des postes qu'il faut. Ah, c'est le problème aussi, le plus important, c'est le financement électoral. Comment est-ce que nos campagnes électorales sont financées? Comment est-ce que le fonctionnement de nos partis politiques sont financés? Ailleurs même, on demande aux partis politiques de déclarer le bien. Quelle est l'origine de vos biens? C'est cela. On va voir que si un directeur général est nommé dans une entreprise, quelle redevabilité garde-t-il par rapport au président du parti politique, peut-être qu'il aurait influencé pour qu'il soit nommé. Et il y a des choses comme ça. Il y a des entreprises, il y a des directeurs, des gestionnaires des entreprises publiques qui vont exceller à contribuer dans la campagne électorale. Même en outrepassant les principes de bonne gestion donner des entreprises, fournir des véhicules, de l'argent comme ça, des caisses comme ça. Et à un moment donné, si le parti gagne, il dira, voilà, nous avons bien contribué à la victoire de notre parti. Le financement... Est-ce que des rapports peuvent être fournis de cette façon? Donc, normalement, dans un pays, il y a même une assemblée générale qui a été organisée, je crois, en Amérique latine sur la corruption politique. Il y a même la participation de certains députés ici burundais. Si vous ne contrôlez pas le financement des campagnes électorales, le financement de fonction de vos partis politiques, il y aura toujours un problème. Parce que les gens savent qu'ils sont nommés, qu'ils politiques, ils doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour exceller, assurer, leur faire participer au financement, surtout dans la campagne électorale. Vous verrez par exemple certains quand ils donnent des cadeaux à l'État, faire comme ça, ou des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui financent. Et les campagnes électorales, et en contrepartie, ils se disent, tous les marchés publics dans ce secteur m'en reviendront. Il n'y aura plus de concurrence. Ça sera des monopoles. On voit des monopoles ici et là qui sont octroyés. Des gens fournissent des bénéfices des marchés publics 3, 4, 5 ans. Tout cela, ça cache. C'est une odeur de corruption quelque part, au niveau de financement même, de ces campagnes électorales. Ça fausse tout. Maintenant, ça force tout parce que ces entreprises publiques, leur direction est complètement phagocytée par tout un système qui s'érige autour d'elles dans leur vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez y aller directement avec des propositions de solutions? Les entreprises de l'État devraient en tout cas travailler dans l'intérêt de tous et pas pour un groupe de gens. Moi, à deux niveaux d'abord. La clé pour sortir de cette situation appartient au président de la République. C'est lui, à lui, c'est appartient la clé de sortir de cette situation et qui se complique davantage. Parce que maintenant, le président de la République, constitutionnellement, il a le pouvoir suffisant et l'attitude de prendre des mesures pour rectifier le tir par rapport à la situation actuelle. Et je dois rappeler aussi que parmi les premières missions d'un président de la République, c'est aussi savoir choisir les hommes compétents, qualifiés pour mettre en application sa politique. Ça, c'est une chose très importante. Si on vous nomme quelqu'un, plutôt, si vous gagnez une élection, si vous gagnez une élection, vous participez dans les compétitions, la première mission, il faut savoir choisir les vrais hommes. S'ils veulent former cette situation, nous faire avancer de façon concrète, je dois dire qu'on ne réforme jamais les politiques avec les mêmes hommes. Parce que il est rare même quand... Et en tout cas, vous n'allez pas dire qu'il a mal choisi. Je dis qu'on ne réforme pas une politique avec les mêmes hommes. Je dis qu'il est rare même quand un réformateur soit accompli par ses contemporains des fois. Parce que le réformateur vient comme ingénieur, il vient mettre en cause certaines habitudes établies qui donnent des avantages à une catégorie de gens. Qu'il y ait des gens qui affichent, et je serai en comportement réfractaire. À ces bonnes réformes, ils doivent exister. Mais le président a avoir le courage de casser son caractère réfractaire de certaines qui veulent garder le statu quo pour que les avantages ou les habitudes qu'il donne, ces avantages continuent à avoir pignon sur rue. Certes, il peut avoir mal à partir avec, mais la constitution, la force du président de la République aujourd'hui est assez forte. Le leadership nouveau alors viendra pour appuyer ces bonnes réformes. Aussi, il y a un cadre nouveau qui vient de nous offrir un cadre nouveau. La tenue des forums nationaux de développement économique. On s'était habitué au plan inerte, plan national de développement, cadre de lutte contre la pauvreté. Mais avec la tenue du forum, il était censé rendre vivante Donc c'est politique contenu dans ces documents. Parce que là, on disait même comment est-ce qu'initier des réformes pour aboutir à ceci. Si on doit construire une route, comment mobiliser les fonds, quelle stratégie. Parce qu'on a mentionné dans, quelque part dans un PND, construction de cette route. Mais ça exige des moyens. Comment les mobiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait beaucoup d'experts qui ont donné des contributions. Et dernièrement, que... alors, je dis au niveau technique, il y a un diagnostic qui doit être fait à ces entreprises. En plan de redressement, au niveau technique, en plan de redressement qui doit être suivi à la lettre, parce que ça sera produit par des experts. Chaque entreprise a ses réalités. Les réalités de la Régie des eaux, ce n'est pas la même chose que la réalité de Ronatère au niveau stratégique. La Régie des eaux, c'est plus stratégique que Ronatère. Chaque entreprise a ses réalités, mais des plans de redressement peuvent être conçus, mais la bénédiction politique de les mettre en application doit être assurée. Si l'advenir qu'on privatise, encore une fois, il faut contrôler le processus de privatisation, parce que le président aussi a la lourde responsabilité actuellement de casser le capitalisme. Francis donc, au final, ce qui est en train de se jeter dans ce pays, pour que maintenant, il y ait plus un constat d'un État qui tend à être privatisé, privatisé par un certain groupe de gens. Francis, je vous remercie. Je dirais que c'est bien d'être dans un débat avec Faustin, parce que il le dit bien. Juste, je pourrais ajouter, et c'est important pour moi parce que j'ai parlé tout à l'heure de la place qu'on donne à la politique et de la place qu'on donne à l'économie. Quand je parle de politique, c'est du parti et de sa visibilité. Comme solution pour moi, il y a une chose, je veux que le débat économique supplante le débat politique. Je vois que le parti au pouvoir, il fait tellement de réunions, tellement de, je pourrais dire, des colloques religieuses et autres choses, beaucoup de choses qui vont en avant. Faustin, il nous parle d'un nom, Forum économique, c'est bien, peut-être c'est un nom qui change, peut-être la conviction est la même. Il y a eu un CCLP, il y a eu d'autres session de beaucoup de choses pour faire quelque chose, c'est peut-être des noms qu'on adopte, mais qu'au fond, dans le cœur, peut-être que ça n'y est pas. Donc, on pourra changer de nom, mais si on n'y croit pas, ça ne changera pas. Donc, pour moi, ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, si le président vraiment ose devant nous, le peuple burundais, et de se lamenter, de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut franchement qu'il nous oblige, nous tous, à rentrer vraiment dans cette messe économique, à comprendre ce qui se passe. Premièrement, qu'il sache qu'il a été élu et qu'on pourra le juger par rapport à ce qu'il aura fait. C'est que bientôt, il faut qu'il se dise, comme dans les équipes de sportifs, c'est-à-dire que si moi j'ai une équipe, j'ai toujours l'obligation de me poser la question, est-ce que mon gardien sera capable de m'éviter qu'on me marque? Est-ce que j'ai des attaquants qu'il faut? Il faut qu'il les cherche. Et je crois que les Burundais sont capables de l'aider. C'est à lui qu'incombe la première responsabilité. Il ne va pas dire demain, je n'ai pas réussi parce que mon équipe n'était... Non, c'est lui qui gère tous les joueurs burundais en matière de vie politique et économique de ce pays. Il faut qu'il les trouve et il a toute la facilité. Il ne dira jamais que je cherchais des gens, ils ont refusé. D'abord ça, il faut que c'est lui qui doit le faire. Je ne crois pas qu'il y ait une quelconque changement de mentalité ou quoi que ce soit. C'est lui qui doit se dire, je dois choisir aujourd'hui. Je choisis de développer mon pays où je choisis la suprématie de mon parti. Et je crois que c'est très simple, c'est aussi simple que ça, sur cette question, il faut qu'ils se disent, il y a des entreprises publiques, je me lamente, je parle des individus, mais il faut que lui-même, il s'entoure et il dit, je viens de sortir un plan de redressement. Ça ne devrait même pas être une question de médiatisation. Il appelle ces gens autour de lui, dans ses laboratoires, il met sur pied un plan de redressement national, ce que j'ai toujours demandé, ce qui est partout exigé. Quelqu'un qui entre dans le pouvoir, il doit dire aux gens comment il va faire les choses. On l'a élu pour que les choses changent. Et il doit s'entourer de personnes, de bonnes personnes. Il faut qu'il les cherche. Au Burundi et même à l'étranger. Il a tellement d'amis. On le voit souvent voyager. Donc, j'ai vu que même dans ses vacances, il est parti se faire une bonne partie de tourisme. Ce que j'ai aimé. Mais il faut qu'il fasse la même chose. Il faut qu'il mette véritablement le même engouement à se dire, je cherche un individu qui doit me faire ça. Et qu'il le fasse. Professeur Simeon Barmouete. Bon, disons que faire des propositions, c'est toujours très compliqué. Alors, on reste peut-être dans les théories, comment est-ce qu'il faut respecter la chose publique, le respect de la chose publique, peut-être trouver de bons collaborateurs qui comprennent sa politique, sa vision, et remplacer ceux qui ne veulent pas le suivre. Ça, c'est, on le dit, mais aussi, il faut peut-être renforcer cette écriture administrative qui met en avant l'intérêt, le respect de la chose publique, et peut-être trouver des gens qui servent effectivement l'État, qui ne se servent pas. Oui, je reste à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, les modèles sociaux, de réussite sociale qu'on nous présente, vous passez en ville, vous trouvez des immeubles, on dit tel immeuble appartient à tel homme politique, à tel directeur général. On dirait que c'est vraiment les modèles de réussite des gens qui se sont enrichis, peut-être de manière illicite, etc. Ce sont ces gens-là qu'on donne plus de valeur, etc., dans la société. Donc, c'est vraiment une autre philosophie de changer pour dire, quand on s'engage en politique, quand on a des responsabilités à la tête des entreprises publiques, il faut vraiment des gens qui soient intègres, qui respectent un certain nombre de valeurs de la chose publique, mais mettre en avant des gens qui sont là pour dilapider la chose publique et qu'on nous présente comme étant les modèles de réussite sociale dans notre pays. Là, ça ne va pas. Il faut vraiment changer. Oui. Et une petite question commune. Vous pourriez répondre de façon résumée. Privatiser les entreprises de l'État, est-ce que ce serait une des solutions? D'abord, les entreprises publiques qui restent sont très peu nombreuses. C'est Onatel, Régie des eaux, d'autres postes. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas 10 entreprises publiques. C'est beaucoup. Disons qu'avant, il y avait beaucoup, mais aujourd'hui peut-être... Le processus a été arrêté. Cette liste est longue, je l'ai. Le processus a été arrêté, c'est beaucoup. Il y a des entreprises publiques qui ne sont pas vraiment populaires, qu'on ne connaît pas. Pour quel que soit le nombre, privatiser. Moi, je pense que peut-être avant de privatiser... On peut peut-être, dans les entreprises publiques, peut-être mettre des actions, quelques actions privées pour peut-être faire de la cogestion, avoir des sociétés à participation publique. Mm-hmm. Et peut-être, comme ça, peut-être dans les conseils d'administration, il y aurait peut-être un regard extérieur dans le privé, mm-hmm. peut-être qui ferait des alertes si une fois les indices ou les indicateurs sont rouges, peut-être qu'il ferait des alertes et peut-être qu'il y aurait des mesures correctives s'il y a un privé, peut-être qu'il y a quelques actions dans l'entreprise. Faustin, bon. Cette privatisation, serait-elle une valeur ajoutée? Je dirais, de façon, c'est relatif parce qu'il faut différencier. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs stratégiques où l'investissement public reste vraiment reste fondamental parce que l'investissement exige beaucoup de moyens colossaux au-dessus de la capacité, de la portée du secteur privé. Et ce sont des secteurs stratégiques qui exigent des fois la participation des subventions ou des quoi, des prix sociaux ou quoi. Là, dans une moindre mesure, des cas de la Régie des eaux, où la participation, la privatisation peut être prudente. Mais il y a des secteurs où le secteur privé a déjà fait preuve de réussite en téléphonie. Là, il faut différencier les secteurs et voir comment soutenir. Mais le processus de financiarisation aussi, il faut le suivre parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des situations où les mêmes gens qui ont détourné les deniers publics cherchent à s'accaparer ces entreprises de façon indirecte. Donc il faut y aller avec pincette. Vous n'êtes pas contre la privatisation, mais il faut y aller avec pincette. C'est ce contexte actuel, il faut d'abord que le président de la République casse cette évolution vers Francis ces capitalismes qui ont dans certains pays de mal. À la fin de l'émission, Francis. La situation économique. Oui, je crois que nous devrions aller vers un certain libéralisme. La privatisation est un principe qu'il faut qu'on adopte. Mais malheureusement, la privatisation, ce n'est pas une décision quelconque, c'est la loi. Mais qu'est-ce que nous sommes dans notre pays? Nous sommes un pays où on discute sur tout. À un certain niveau, c'est toujours les mêmes qui prennent les mêmes décisions. Et c'est la crainte que M. Faustin vient de donner. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, vous trouverez qu'il y a ceux qui se privilégient. Et ce privilège ne peut pas permettre qu'on prenne des lois qu'il faut pour mettre en application de bonnes décisions comme celle de la privatisation. Du moment où toujours le politique vient avant la conviction de la bonne économie, la conviction de ce qu'on veut produire, c'est-à-dire que donc, les gens considèrent... Pour que ces entreprises soient gardées dans les mains de l'État. Non, ce n'est pas vrai. Qu'on évolue vers une culture démocratique réelle, qu'on parle de l'économie normalement, sans rentrer dans nos coquilles des partis politiques, que les partis politiques laissent l'économie libre et que les gens agissent par intelligence et qu'on se dise ceci, c'est en train de se passer très bien. Il faut que les gens soient indépendants. Quand je dis que par rapport à que je suis indépendant, c'est par rapport à tout ça. Merci Francis Lohiro, merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci à vous. Merci professeur Siméon Barumete, enseignant d'université et politologue. Merci. Merci de votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parsem. Merci de votre participation et contribution à l'émission Mosaïque. Mon dernier mot, c'est la réduction des séances de moralisation. Commencer à frapper fort contre les réfractaires au bonheur fort. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur comment gérer les entreprises publiques dans l'intérêt général de la nation et des citoyens. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Alain Désiré Boukeneza pour la réalisation. Le trio Eric Fulgence et Berthier assuraient la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.